Skyrock, Rai Suprême. 130, on danse au tempo. Match affiche, oublie tes plein pro. Vas-y, viens, Aroua, Aroua. Vas-y, viens, H-Pa. Pour mes blagues, mes plans, mes beurs, on va danser jusqu'à pas d'heure. Vas-y, viens, Aroua, Aroua. Vas-y, viens, H-Pa. C'est ça. Apple. C'est Rai Suprême. Skyrock. Are you ready? C'est toujours mieux là. Ah, c'est moi avec le mouchoir. Ah merde. Mix en diablé. Mix en diablé. Au gaze. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais non, mais c'est un malade mental. Sourire sur les visages des artisans. Lève-toi, mon mec, bouge-toi, mon mec. Appelle tes frères, tes potes et ta lady. Is, how we do, tous frères, tous cousins. Bienvenue chez nous. Allez, bouge, allez, danse. Allez, lève-toi, vas-y, chante. Vas-y, viens. Vas-y, ose. Tu viens pas, triple tonce. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock le dimanche soir. L'émission, c'est Rai Suprême avec DJ Case qui est là, magnifique comme jamais. Eh oui. Ça va, Case? Ça va. Bien. Toujours super. Ce soir, t'as une soirée juste après ou ce soir? Non, ce soir, non. Repos un ce peu. Ce soir, la soirée se passe ici pour la France entière, okay. Rai Suprême. Et bah, uniquement sur Skyrock, mix de DJ Case avec une au programme. Heure de folie. Avec au programme, Case. Avec au programme, voilà, les nouveaux sons orientaux, avec un mix de malades bien endiablés. Et peut-être une nouveauté ou deux. Bien voilà. Genouné. Bien genouné. Voilà. Très bien. Et bah, coup d'envoi de ce Rai Suprême, on y va? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. On est trop à souffrir, mais ma soeur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenade et numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur, il laissait quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le rive. Qui peut me stopper, pas leur vin de long rive. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein.

فيني ديكي يا عمري اجي قولي لي يا الشبا انتي بنت بلادي مغربية وجزائرية قولي لي يا بنا هضري هاد زين شام كازا واش داني يا عمري زيدي شو تحية يا ماما غير خودي عيني فازي شوت pour moi danse فازي شون baby dis-moi danse فازي شوت pour moi danse فازي شون baby dis-moi Elle nous sorcelle, je sens son corps qui m'appelle. La belle est toute seule, son côté j'ai un coup d'œil. J'aime trop ses manières, avec elle loin la galère. Dis-moi tout bébé, je suis là je t'écoute bébé. Eh Aurélie Yézina, fini de guérir le gouri. Eh Achat Zbiki Habiba, fini de guérir Aurélie. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock.

زوجك عليا واش هذا ناري ناري وفرقك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة صغب هي ليالي يالي بويا واش كل بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقك عليا واش هذا الفراق صعيب والربطة صغب هي Minuit 1h Minuit 1h C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. J'ai aperçu ta silhouette, c'est le milieu de la piste. Tu te déhanches, tu secrètement sur le dernier son de l'artiste. Ana wiyak, ana wiyak, ana farahou liyoum. Ana wiyak, ana wiyak, ana hablou liyoum. Ana wiyak, ana wiyak, ana farahou liyoum. DJ Case. Bonsoir à vous tous, DJ Case, comme chaque dimanche soir, il est au contrôle de Raïs Suprême et un coup il est là, un coup il est ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs cette semaine, est-ce que c'est une semaine chargée, Case, ou du moins les semaines qui viennent? Le week-end, là, qui arrive, voilà. Donc vendredi 20, je serai au Trianon, c'est dans l'Essonne 91. Le samedi 21, du côté d'Avignon, c'est au Papagayo à Avignon. Du côté d'Avignon. Le 27, vendredi 27, ça se passera au African Orient, c'est un nouvel établissement qui a ouvert, ça se trouve à Saint-Ouen. Et juste après au Théâtre, au Porte-Maillot. Et la suite des dates, je vous les dirai par la suite. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Reste à l'écoute, à guetter les réseaux sociaux aussi. Oui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez checker ça sur Facebook DJ Espace Case, et Instagram et Twitter DJ Case Paris, voilà. Donc c'est très simple, très accessible. Et vous avez toutes les infos et toutes les news. Allez cliquer, allez retrouver DJ Case près de chez vous. C'est ça. Et DJ Case aussi, chaque dimanche soir entre minuit et 1h du mat. C'est ça. On est reparti pour une nouvelle session. Allez, go! Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Raï Suprême. En direct sur Skyrock. Quand tu sauras me montrer, quand tu sauras me cacher. Je les écoute pas, ils peuvent toujours me clasher. Putain, c'est haut, je t'abonne des coups en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Je trouve l'esprit, je fume un peu de hashish. Fais gaffe petit avec des sous attachés. T'as fait gâcher par des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite s'attachait. J'suis pas un sachez-le. Moi j'ai galéré, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. Tu oublies, j'observe la lune de mon matelas. Tu savais m'en tape de la vie de l'autre. J'gamberge, j'vends mes potes avec mes menottes. Ça fait des un an, ça ressort et rebelote. Ils te jugent, ils se permettent, oui, ta vie te note. Fais gaffe, l'ange te note, ne lui dis pas, j'te nique. Et qui c'est possible, et qui c'est possible. J'ai vu le regard des gens quand t'avais le Cayenne. Quand t'as plus, tout plus de femmes, tu sers à rien. Qui veut pas chercher une excuse, qui veut chercher un moyen. La haine ouvre les yeux, mais avec l'amour, j'vois rien. Avec l'amour, j'vois rien. Je t'oublierai. Va voir ailleurs, t'inquiète pas, j'irai. Trahis-moi et je t'haïrai. Nous deux à vie, c'est terminé. Je te vois, t'es triste, mais tu parles pas. Je vois tes larmes, me regarde pas. On se fait du mal, mais on le sent pas. T'es pas comme moi, donc on s'entend pas. شحية الحالة قطعت بحور ثماني دور والغربة قد تالم إن بكي نسكي وأقول على شحية الحالة بركاني العالي من اللي تحداني يغلب براني كبير آلم فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مدى أنا بركاني العالي من اللي تحداني يغلب براني كبير آلم فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مدى أنا Skyrock, Rai Suprême, c'est DJ Kaze, DJ Kaze. جيوم سلهوم بلدي قمرة شحالة أنا فرح أنا غني أنا نطير كي الحمامة جيوم سلهوم بلدي قمرة شعال أنا فقط غنغن أنا طير كي الحمامة بلدي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها أنا راس ولادي ما ننسى بلادي سهر ربي ونغمد أنا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها أنا راس ولادي ما ننسى بلادي سهر ربي ونغمد أنا Entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang. Comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant. Pensant au notre pays, c'est avant la... Pensant au notre pays, c'est avant la cuvée. Ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gares, on s'éternise, on frappe à valer du rat. Dans les putains, on s'éternise, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire, on t'admire. J'menace pas, après j'm'en irai. Vivant, on lipide, devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend à l'histoire. On s'en bêtard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confier à ta l'infini. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni. Rai Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Rai,

Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. DJ Case, DJ Case. من سوفلي كبر نابوليطانو لكرهنا يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو من صغري سوفلي كبر نابوليطانو لكرهنا يقاري خلي العديان يقولوا لحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو عايش في ألجي وهرن ولا ميلانو ريسكي ونبوجي العقلية الباتشينو عايش في ألجي وهرن ولا C'est fini, déjà. Déjà. Mais tu vas revenir. Oui, je suis obligé. La semaine prochaine. Obligé et content de revenir. La semaine prochaine, on te retrouvera au platine de Skyrock pour un mix de Rail Suprême d'ici là en soirée, Case. D'ici là en soirée, ce vendredi, vous pouvez me retrouver. Ce vendredi-là, je serai au Trianon dans l'Essonne, dans le 91. Et samedi, samedi 21, du côté d'Avignon, sur Papa Gaillot Discothèque. Donc venez nombreux, nombreuses, les gens du Sud. Vous êtes conviés à cette soirée. D'ici là, bon, il y a un nouveau projet qui va arriver dans pas longtemps. C'est Power New York, l'album. Et le projet est pratiquement terminé. C'est pratiquement. Tu veux rien lâcher pour l'instant. Tu vas au compte-goutte, hein. Non, c'est encore au labo. On essaie de faire les petites perfections de fin. Mais en tout cas, je vous regretterai pas parce que c'est du méga lourd. Voilà. N'hésitez pas à suivre. Case, merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir, merci Case. À vous. Et prochain Rail Suprême dans une semaine. Merci Fred. Ciao tout le monde. Ciao. Le son continue sur Skyrock. Ciao. Skyrock. Non-stop.